couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy ou 94.2 sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région. Et j'ai même envie de dire de la grande région. Pierre au micro, ravi de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'avais pas reçu d'invité dans cette émission. Ce n'est pas grave puisque tous les samedis à 13h et les dimanches à midi, en l'absence d'interview, c'est une demi-heure de playlist d'artistes locaux. Tony Neftali, Antoine Achelté, pour citer eux, mais il y en a plein d'autres. Bon appétit, chers auditeurs, que vous nous écoutiez samedi 13h ou dimanche midi, que ce soit l'heure de l'apéro avec modération ou du repas sans modération. Attention quand même aux remontées gastriques. Eh bien, vous mangez. Nous, notre mission, c'est de vous nourrir. Mais autrement. On va pas nourrir votre estomac, votre intestin, votre foie, ça à la limite on laisse ça à la bouffe. On va nourrir votre cœur, on va nourrir votre âme, on va nourrir votre esprit avec une musique aérienne, touchante, une musique empreinte de nature, de voyage avec une artiste qui nous vient de Belgique mais qui est nancéienne d'adoption depuis quelques années maintenant. Alors elle rentre dans le thème et je m'en fous de ce que vous pourrez me dire, c'est couleur locale et je fais ce que je veux. Mais je n'insulte personne, évidemment. Nous... Ça commence bien. Nous sommes avec Eloa. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'était une belle entrée en matière? J'ai beaucoup aimé. Vraiment. Alors, tu es chanteuse, musicienne, tu es poète, tu écris, guitariste, tout ce qu'il faut bien, quoi. Alors, ce sont des grands mots, mais très flatteurs. Je te remercie. Je les ai lus sur ton site. Bah, écoute, oui, j'écris mes chansons, j'ai mon projet. Donc, tout en poésie, en finesse. Avec, et ça, je te l'avais dit, la première fois où on s'est rencontrés, qui n'était pas d'ailleurs lors de cette émission, mais un peu avant, que j'apprécie particulièrement cette mélodie, cet art, ce violon, ces arrangements. C'est frais, c'est différent, ça appelle au voyage. Et ouais, ça, c'est cool. C'est vrai qu'il y a une notion de voyage, c'est certain. Et puis ce projet, ben justement, en parlant de voyage, si on prend un des morceaux que je t'ai envoyé, Le Vent des Bois. Qu'on écoutera en premier. Eh ben, c'est merveilleux. On parle de voyage et j'ai été vachement influencée par cette culture des gens du voyage, des tziganes, des gitans de Camargue. Et ce premier morceau appelle vraiment à ces sonorités hispaniques, un peu flamenco, un peu orientales aussi. Donc c'est tout à fait dans le thème. C'est tout à fait dans le thème et c'est super bien. Alors je pense que ça va être une émission qui sera très douce avec toi. Je pense qu'on va passer un bon moment. Si vous ratez l'émission, ça fait 3 minutes, hein, chers auditeurs, mais si vous avez raté ces 3 minutes et que vous vous dites « Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ces 3 minutes ?» Eh bien, il y aura un replay sur fadjet.net. On va déjà balancer un peu tous les liens avant d'écouter une première musique. Donc, tu es sur Internet, eloa-musique.com, Eloa, Eloha. Exactement. Ouais, et pas Eloah, parce que j'étais tombé sur un groupe qui n'avait rien à voir. Je me suis dit... Ok. Facebook, Instagram, YouTube, Deezer, Spotify pour les premiers titres qui sont déjà sortis de ton album L'Automne Morne. Exactement. Qui sortira normalement le 14 avril, on peut l'annoncer. On peut l'annoncer et le 14 avril 2023 sur toutes les bonnes crémières, les bonnes plateformes, tout ce qu'il faut quoi, normalement. C'est ça, à disposition. À disposition. Un cadeau du cœur. C'est un beau cadeau du cœur. YouTube, je vous invite, chers auditeurs, à aller déjà écouter les musiques qui sont présentes. Il y a notamment une cover de J'ai demandé à la lune d'Indochine que j'ai trouvé magnifique, magistrale. Merci beaucoup. Mais vraiment, je vous le dis, je la joue avec mon groupe et vous en foutez. Et ça n'a absolument rien à voir. Mais bon, c'est comme ça. Eloa, avec nous pour une demi-heure sur Fadjet, dans Couleur Locale. L'Automne Morne, ton premier album, ton premier EP. Oui, c'est ça. Il est composé de 6 titres. 6 titres. Très bien. Et donc, il y en a 4 autres en dehors des 2 singles qui sont déjà sortis, qui vont sortir le 14 février. Et donc là, ça retrace vraiment, je pense, très bien ma personnalité artistique et la diversité de ma personnalité artistique. Donc, autant dans la douceur, dans la mélancolie, dans quelque chose de plus poignant aussi, qu'on va découvrir avec le dernier titre qui s'appelle « Et ceci mal ». Donc je suis très, très fière de cette première présentation. Alors pourquoi l'automne morne justement? Ce premier EP, il est assez, il tourne quand même vers la mélancolie. Il y a une forme d'intensité. Mm. Tous les morceaux ne sont pas tristes, mais il y a une forme d'intensité qu'on peut retrouver dans, dans par exemple la tristesse. J'ai envie de dire même le violon pleure. Le violon pleure. Il y a une sorte de tension en fait. En dehors de l'aspect triste ou mélancolique, une forme de tension dans l'atmosphère de ce morceau. Donc l'automne, pour moi, c'est quelque chose de très varié dans les couleurs, de très texturé. Mm-hmm. On va retrouver un peu ces textures que j'ai essayé de retranscrire en musique à travers des atmosphères, à travers des habillages sonores travaillés et un peu qui frôlent un peu l'expérimental par moment, qui l'effleure. Et je sais plus où j'en étais dans mes idées. Et oui, le morne rappelle un petit peu justement cette brume d'automne. Ouais, c'est un peu tristounet, quoi. Triste, mais c'est pas là-dessus que je base. C'est pas là-dessus que je base. Dans le morne, on a vraiment, comme je dis, cette brume matinale qui tamise l'atmosphère d'un coup. Donc, en dehors du propos ou de la tristesse ou pas des chansons, il y a aussi la marche au milieu de pas, par exemple, qui est un hymne à l'amour. Le nuage qui est une poésie légère sur des envolées vocales aériennes qui nous emmène sur quelque chose de plus tempéré, donc de plus doux. Donc, il y a différents sujets. C'est pas forcément la tristesse qui prime, d'accord, mais c'est plutôt l'intensité du propos. Que j'aille dans la légèreté ou dans la lourdeur, je vais dire, des sujets, j'ai vraiment envie de quelque chose d'intense. Parce que ma personnalité artistique, elle peut aller sur plein d'horizons différents, mais elle recherche toujours l'intensité et la profondeur. Et dans le morne, de l'automne morne, je retrouvais un petit peu cette profondeur. Alors on va se laisser embarquer, on est déjà embarqué par ce discours et l'usage des mots qu'on va retrouver dans tes morceaux, trois morceaux. On va se laisser embarquer un peu comme une feuille au vent, une feuille d'automne, une feuille au vent, et peut-être dans une forêt, je ne sais pas, quelque chose dans les bois, peut-être le vent des bois. J'ai essayé de faire une belle transition sur un morceau qu'on va lancer. Je suis Mister Transition. C'était habile. Moi, je vous propose qu'on se prenne la main et qu'on aille se perdre un petit peu dans cette forêt. Eh bien, on y va. C'est Le Vent des Bois d'Eloa sur Fadjet dans Couleur Locale. Je suis parti vers d'autres paysages où la pluie n'a pas la même odeur et la terre ne colle plus sous mes pieds. Les visages n'ont plus les mêmes corps et les corps ne portent plus les mêmes cœurs, leur image est encore étrangère à mon cœur. Où le manque chante bien plus fort. seul, le vent le remplit. Déraciné par le vent des bois, ma destinée s'est envolée loin de chez moi. Déraciné, je chante le vent des bois, un souffle tendre. Il souffle en moi. Oh, le vent, le vent, le vent des bois. Et il souffle, il souffle, il souffle, il souffle en moi. Le vent des bois et l'OA sur Fadjet dans Couleur Locale. Issu de l'EP à venir, l'automne morne, 14 avril 2023. Un EP 6 titres dont on aura l'occasion d'écouter deux morceaux encore durant l'émission, dont le morceau éponyme, l'automne morne. Est-ce que c'est pas cool ça quand même? C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. On est au 94.2 à Nancy et sur fadjet.net. Merci à toi d'être avec nous, chanteuse, musicienne, poète qui chante en français, écrit et chante en français. Et ça, j'aime bien. C'est très important pour moi, le français. D'ailleurs, j'ai pas toujours eu ce rapport privilégié avec ma langue maternelle. Pourquoi ? En fait, j'ai commencé, comme beaucoup d'adolescents, à écrire en anglais parce que mon contexte familial ne me permettait pas de m'exprimer forcément. Que ce soit, ouais. Voilà, en fait, j'avais vraiment envie de garder cette honnêteté et de pouvoir dire ce que je veux. Donc, j'ai commencé par l'anglais. En plus, bon, j'étais en immersion anglais à l'école, donc j'étais vraiment immergée dedans. Mais en fait, depuis que j'écris en français, j'ai l'impression de toucher à une vérité et à une nudité artistique, en fait, qui est, que j'aime beaucoup. C'est un peu une prise de risque. Et d'ailleurs, il y a une chanson de l'EP qui était de base écrite en anglais, La Marche au Milieu de Pas, que vous pourrez découvrir le 14 avril. Allez. Qui était de base en anglais, que j'ai traduite et adaptée en français. Et les personnes qui l'ont entendue en anglais puis en français, eh ben, ils étaient presque gênés de l'écouter en français. Parce que c'était brut, ils aimaient beaucoup hein, dans l'esthétique, je vais dire, mais il y a une forme de waouh, c'est direct quoi. C'est direct. On comprend. Alors, j'aime beaucoup ça. J'ai reçu des collègues musiciens et musiciennes à toi qui écrivent en anglais. Et effectivement, ce qui ressort avec l'anglais, c'est cette espèce de pudeur, de recul par rapport au message qu'on veut faire passer. Soit parce qu'on ne se sent pas de le délivrer dans notre langue maternelle auprès de nos proches dans la langue maternelle, ou soit pour purement un choix artistique. Et aussi l'esthétique de la langue. Esthétique. Mais ce que je recherche ici, ben ici, moi, j'ai vraiment une recherche d'authenticité dans mes propos. Et il y a quelque chose qui m'a fait vraiment me dire, ouais, ok, j'ai envie d'écrire en français, c'est déjà d'écouter beaucoup de chansons françaises. Mais c'est surtout, je me disais, comment est-ce que je peux aller chercher ce qu'il y a de plus vrai en moi? Mes chansons sont très émotionnelles. Mes émotions, je les vis dans ma langue maternelle. Je ne les vis pas en anglais. Donc, quand je reçois une émotion, que je l'intellectualise, dans ma tête, c'est en français. C'est en français, évidemment. Donc, toutes les subtilités de l'émotion, elles sont en français. Donc, pour retranscrire toutes ces subtilités-là, je dois passer par le français. Ça me semblait évident, en fait. J'aime bien ta réponse. Non, mais c'est des... je ne sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs. N'hésitez pas à aimer la page Fadjet-6 couleur locale, évidemment. Hello à musique sur Facebook. Je te rejoins. Mais bon, il y a plusieurs écoles, mais pour l'instant, on est dans la même école sur cette émission couleur locale. On va écouter en exclusivité le single L'automne morne, issu de l'EP L'automne morne. Voilà, au moins c'est logique. Ça a du sens. Ça a du sens. Il n'y a pas à se poser de questions. Mais avant de l'écouter, moi, j'ai envie de savoir. Un petit jeu comme ça, un petit truc très rapide, genre si tu pouvais me citer trois groupes ou trois musiciens qui t'inspirent, là comme ça, à vue de nez. Coco Rosie. Ok. Björk. Ok. Jeff Buckley. Ok. Kate Bush. Ça fait quatre, ok. Mais j'en ai encore d'autres. Hein. Et là, j'ai cité mes influences anglo-saxonnes. Ouais. Y en a plein, des francophones aussi. Francophones, un chanteur. Ben là, je pense à Noir Désir, oui. Bachung, Barbara, Gainsbourg, à tous ces grands noms. Et il y a plein d'autres petits artistes aussi. Bon, on va pas tout citer, hein, sinon la liste est longue. Sinon, l'émission va durer pendant une heure et j'adorerais rester une heure avec toi. Mais je crois que les premières feuilles d'automne sont en train de tomber. Elles sont orangées. Tu vois un peu le contexte là quand tu fermes les yeux. Tu vois. Ouais, on ces pourrait presque les sentir craquent sous nos pas. Qui craquent sous nos pas. Les premiers marrons aussi, tu sais, qui sortent de leur coquille, etc. Et c'est, attends, si tu tends un peu l'oreille, tu pourrais presque entendre les oiseaux chanter. L'automne arrive, l'automne est morne, mais ça veut pas dire qu'on va se faire chier. Bon, des fois, je me permets quelques vulgarités. On en a parlé quand même beaucoup en début d'émission. Alors, je vais juste vous laisser écouter ce morceau-là qui représente ton univers. C'est pas pour rien que c'est le titre de l'EP. C'est pas pour rien. L'automne morne, et on se retrouve juste après, toujours avec toi, Eloa, pour une petite mise en situation. Ça va te plaire. Maintenant arrête-toi, je te prie de partir dans le sens opposé de moi, va vers le sud, j'irai au nord, dans ces pays froids où on ne me connaît pas encore. dramatique là-bas. Les chaînes ont un feuillage d'or. Ici, tout me rappelle toi, l'eau qui coule, les feuilles mortes et l'eau dans laquelle je me noie, les feuilles tombant d'un automne morne. Les feuilles tombent. Et peu féconde est notre terre, car peu profonde est ta nature. Tes parterres dont les cultures sont aussi pauvres qu'un cimetière. Et où la mort est nourriture de mes racines sous cette terre. Morne et Loa sur Fadjet dans Couleur Locale. Petite mise en situation. Tu es une poète, tu écris. Mm-hmm. Je vais te donner deux situations et tu vas me dire laquelle des deux t'inspirerait le plus pour écrire une chanson ou une mélodie. Mm-hmm. Laquelle des deux, les deux ou aucune des deux. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Ok. Tu rentres d'une tournée, tu es éreinté, tu es fatigué, mais tu as encore ces étoiles dans les yeux, ces concerts magnifiquement menés, ces musiciens, la perfection, ce public acquis à ta cause et à ta musique et à ton message. Tu me fais rêver là. Tu rentres de cette tournée et tu es dans ce train. Ce train, tu sais, qui peut représenter le voyage, aller de l'avant, voire même parfois reculer, en fonction de pourquoi on le prend. Et puis il y a ce coucher de soleil, on est en fin de journée. Tu regardes par la vitre du train, tu vois le soleil qui se couche. Tu entends le cliquetis sur les rails. Tu te laisses bercer et abandonner par ces images qui peuvent autant parler d'avant que d'arrière. De jour, de nuit, d'après, de renouvellement, de chaos. Il y a plein de messages. Et là, ça t'inspire un texte. Une mélodie, quelque chose qui arrive, qui se fredonne à toi, et tu le notes. Ouh ! Nous sommes en pleine nuit, une nuit de pleine lune, une belle pleine lune remplie d'énergie positive. Tu te réveilles vers 3h du matin, et pour ceux qui s'intéressent à la vie nocturne, vous savez que 3h du matin est un horaire particulier pour se réveiller. Tu te réveilles. Tu es embrumé et tu as ces images d'un rêve, ces sons d'un rêve, tout un scénario que tu as vécu pendant ton sommeil. Mais comme tu le sais, les rêves ont tendance à s'étioler, en tout cas pour la plupart des gens, dans les premières minutes après l'éveil. Mais ce rêve-là, tu ne veux pas le laisser passer. Pourquoi ? Parce que dans ce rêve, tu as entendu cette mélodie de ton subconscient, tu as entendu ce texte, je ne sais pas. Ce que tu as entendu ou vu, cela t'appartient. Alors tu te redresses, tu prends Ton téléphone, un ordinateur, un calepin, peut-être un stylo pour écrire sur tes murs, je ne sais pas, mais tu écris pour ne pas oublier. Alors, plutôt coucher de soleil dans un train, plutôt réveil nocturne dont on ne veut pas voir s'échapper le rêve, aucun des deux, les deux, la parole est à toi. Alors je dirais la première situation. Pourquoi ? Parce que, alors la vie nocturne évidemment, comme beaucoup d'artistes, m'inspire énormément. Ça m'arrive énormément de faire des insomnies et de trouver une sorte d'état profond de silence dans duquel jaillit une chanson, un texte, une inspiration. Mais ici, tu m'as dit que je voulais me raccrocher à ce rêve qui m'inspire. Souvent, quand j'écris, ça vient d'un moment de silence intérieur. Donc me raccrocher à ce rêve, ce serait intellectualiser, en fait, et essayer de me raccrocher à quelque chose, et donc ça casserait un peu mon inspiration, ça me mettrait trop dans ma tête. Alors que ce moment avec le coucher de soleil dans le train, avec les cliquetis, justement, des rails qui me font perdre un peu cette accroche à mon mental, ça m'amènerait à ce silence intérieur duquel peut jaillir une mélodie et une poésie. C'est une très belle réponse encore une fois. Merci Eloa, tu nous as emmenés à travers les nuages. C'est d'ailleurs le titre qu'on entend en fond, en tout petit pour terminer cette émission. Et évidemment qu'on vous laissera écouter, chers auditeurs, sur la fin. Le nuage de ton EP l'automne morne qui sort le 14 avril 2023 sur toutes les plateformes. On peut remercier tes musiciens, je pense. Oui, on peut remercier mes musiciens qui ont fait un travail mais vraiment formidable sur ces titres. On a Bernard Brand à la basse, Loïc Maillard à la batterie, on avait Tristan Ada à la guitare, violoncelle, et un peu de clarinette aussi, il venait de s'y mettre, donc petite surprise. Et Pierre-Olivier Fernandez au violon. Et une équipe qu'on va retrouver avec toi sur scène. Et déjà, est-ce qu'on va te retrouver toi sur scène, les concerts ? Il y a des concerts de prévu, alors il faut se tenir au courant parce qu'il y a encore des nouvelles dates que je vais annoncer un peu plus tard. Il y a des jolies choses qui se profilent à l'horizon. Mais les prochaines que je peux annoncer, donc c'est samedi, donc c'est aujourd'hui, samedi 8 avril à Châlons-en-Champagne, à l'Espace Solana, qui ouvre un espace qui s'appelle Le Quai. C'est un bar extérieur, donc il y a une piste de pétanque, il y a de quoi grignoter, de quoi boire, et on va passer un bon moment. Et il y a une date, si vous souhaitez me découvrir en live, à ne pas manquer. Je fais un concert pour fêter la sortie de mon album L'Automne Morne, le 13 mai à la Cale, Quai Sainte-Catherine. Je vous invite à me suivre sur les réseaux ou sur mon site internet pour vous tenir au courant. Eloa-musique.com, contact@eloa-musique.com pour le booking. D'ailleurs, si vous êtes des organisateurs, bar, restaurant, salle de concert, eh ben, j'ai envie de passer un petit message. Bookez Eloa. Bookez-moi. Bookez-la. Est-ce qu'on viendrait pas de passer ce petit message-là ? Je viens de le faire. Hein. Mais tu viens de le faire. Mais c'est magnifique. Absolument, cette émission. Mais je peux faire passer le message aussi. Bookez-moi. Voilà. Voilà, envoyez-moi un petit message. On y va. Facebook, Instagram, YouTube, Deezer, Spotify. Le 14 avril, l'album L'Automne Morne. Merci à toi d'avoir participé à cette émission Couleur Locale. Merci sur à toi, Fadjet. Pierre. Eh bien, de rien. Chers auditeurs, c'était Fadjet Couleur Locale. On se retrouve le week-end prochain, si tout va bien, pour un nouveau Couleur Locale. Je serai en présence du duo Def et Rita, chanson française. Et puis, d'ici là, moi, je vous souhaite une bonne écoute de Fadjet, de la programmation musicale. C'est H24, alors il n'y a pas de raison de s'en priver. Au 94.9 à Nancy et sur Fadjet.net. Dès dimanche, le replay de l'émission sur Fadjet.net. Et si je trouve une solution, vous vous en foutez, mais sur une plateforme d'hébergement, aidez-moi. et puis on va se laisser avec la suite et fin de ton morceau, Le Nuage. Ça te va, Eloa? Ben c'est parfait. On monte le son là, DJ monte le son, c'est ça? Allez, on fait péter le son. Allez, on fait péter les watts, c'était Couleur Locale. À bientôt, chers auditeurs.